Chapitre 6. Puis je vis l'agneau briser le premier des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire d'une voix qui résonnait comme le tonnerre : Viens. Je regardai, et je vis un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, et on lui donna une couronne. Il partit en vainqueur, et pour vaincre encore. Puis l'agneau brisa le deuxième sceau, et j'entendis le deuxième être vivant qui disait : Viens. Alors un autre cheval sortit, il était de couleur rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir de répandre la guerre sur la terre, afin que les hommes se tuent les uns les autres. On lui donna une grande épée. Puis l'agneau brisa le troisième sceau, et j'entendis le troisième être vivant qui disait : Viens. Je regardai, et je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. J'entendis comme une voix qui venait du milieu des quatre êtres vivants et qui disait : Un kilo de blé pour le salaire de toute une journée de travail, et 3 kilos d'orge pour le salaire de toute une journée de travail. Mais ne cause pas de dommages à l'huile et au vin. Puis l'agneau brisa le quatrième sceau, et j'entendis le quatrième être vivant qui disait : Viens. Je regardai, et je vis un cheval de couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et il était suivi par celui qui représente le monde des morts. On leur donna le pouvoir sur le quart de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la maladie et par les bêtes sauvages de la terre. Puis l'agneau brisa le cinquième sceau. Alors je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort parce qu'ils avaient annoncé la parole de Dieu et avaient fidèlement rendu témoignage. Ils criaient d'une voix forte : Seigneur saint et véritable, jusque à quand attendras-tu pour juger les habitants de la terre et les punir de nous avoir mis à mort ? On donna à chacun d'eux une robe blanche, et on leur dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit complété le nombre de leurs frères et compagnons de service, qui devaient être mis à mort comme ils l'avaient été eux-mêmes. Puis je vis l'agneau briser le sixième sceau. Il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une grossière étoffe noire, et la lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles tombèrent du ciel sur la terre comme des figues encore vertes qui tombent de l'arbre quand un fort vent le secoue. Le ciel disparut comme un livre en parchemin que l'on roule. Toutes les montagnes et toutes les îles furent arrachées de leur place. Les rois de la terre, les dirigeants, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les autres hommes, esclaves ou libres, se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui pourrait lui résister ?